Settesi. Settesi. Six heures cinq. Il est là, il est là, il est là. Sa salive génésiaque gicle. Six heures zéro cinq, l'ascenseur tonne le collier. Mérite de vivre. 6h07, à travers la régulation du sommeil, quelques égaux dont des durées identitaires. 6h08, putride et adepte d'un recyclage, les bons moments sont sous antalgiques. 6h10, la montre est dans le sac, le monstre est dans le trou, le trou ne dit pas non. 6h11, deux signes surfent la venue inespérée d'une glorieuse bleutée à cœur. 6h12, le pays de l'éternelle jeunesse arpe la patience des ancêtres. 6h13, petit loup, vas-tu bien? Petit loup, reçois ce câlin. Petit loup, tu es demain. 6h14, ce lutin des montes, émeraude amoureuse de caresses équinoxiales au crâne, toujours au crâne. 6h16, maintes banshees, bulles et bourgeons espérons envoûter des profondeurs les mycéliens chéris. 6h17, l'usage détourné d'un flou est devenu récréatif. 6h18, au feu d'artifice sonore, répond l'aurore. 6h19, qui ne viendra pas sans sa fréquence requise, gage de sagesse. 6h19, son pâle se grattement à la porte du sens, du temps, du semblant d'être ici. 6h20, quand le quinquennat calcule ses distances, c'est la fête des fées, approuvée.